Le rouge et le noir. Chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation, Hélène Bleskin. Une réalisation de Michel Sidorov. Neuvième épisode. Alors que Julien est toujours au séminaire de Besançon, le marquis de La Mole, sur les conseils de l'abbé Pirard, lui demande de venir auprès de lui à Paris en qualité de secrétaire. Avant de rejoindre la capitale, Julien passe par Verrières et, sur un coup de tête, en pleine nuit, entre par effraction dans la chambre de Madame de Rênal. Après l'avoir repoussée en vain, elle lui cède. Fort de ce succès et toujours plus épris, Julien entre en fonction chez le marquis de La Mole, où il est présenté à son épouse et à ses enfants, Norbert et Mathilde. Le lendemain, de fort bonne heure, Julien faisait des copies de lettres dans la bibliothèque lorsque mademoiselle Mathilde y entra par une petite porte, fort bien cachée avec des dos de livres. Elle paraissait fort étonnée et assez contrariée de le rencontrer là. Julien lui trouva en papillote l'air dur, hautain et presque masculin. Mademoiselle de La Mole avait le secret de voler des livres dans la bibliothèque de son père sans qu'il y parût. Le comte Norbert s'installa dans la bibliothèque vers les 3 heures. Il venait étudier un journal pour pouvoir parler politique le soir et fut bien aise de rencontrer Julien, dont il avait oublié l'existence. Il fut parfait pour lui. Il lui offrit de monter à cheval. Mon père nous donne congé jusqu'au dîner. Monter à cheval, cela ne m'est pas arrivé 6 fois en ma vie. Eh bien, ce sera la 7e. Julien croyait monter à cheval supérieurement, mais en revenant du bois de Boulogne au beau milieu de la rue du Bac, il tomba en voulant éviter un cabriolet et se couvrit de boue. Au dîner, le marquis lui demanda des nouvelles de sa promenade. Norbert se hâta de répondre en termes généraux. Monsieur le comte est plein de bonté pour moi, je l'en remercie. Il a daigné me faire donner le cheval le plus doux. Mais enfin, il ne pouvait pas m'y attacher et, faute de cette précaution, je suis tombé au beau milieu de cette rue si longue près du pont. Mademoiselle Mathilde essaya en vain de dissimuler un éclat de rire. Ensuite, son indiscrétion demanda des détails. Julien s'en tira avec beaucoup de simplicité. Il eut de la grâce, sans le savoir. J'augure bien de ce petit prêtre. Un provincial simple en pareille occurrence. C'est ce qui ne s'est jamais vu et ne se verra plus. Et encore, il raconte son malheur devant des dames. Julien mit tellement les auditeurs à leur aise sur son infortune qu'à la fin du dîner, mademoiselle Mathilde faisait des questions à son frère sur les détails de l'événement malheureux. Tous 3 finirent par rire, comme auraient pu faire 3 jeunes habitants d'un village au fond d'un bois. Le lendemain, Julien assista à 2 cours de théologie et revint ensuite transcrire une 20aine de lettres. À 4 heures, il osa, après un peu d'hésitation, paraître chez le comte Norbert. Celui-ci allait monter à cheval et fut embarrassé car il était parfaitement poli. Je pense que bientôt vous irez au manège et après quelques semaines, je serai ravi de remonter à cheval avec vous. Croyez, monsieur, que je sens tout ce que je vous dois. Si votre cheval n'est pas blessé par suite de ma maladresse d'hier, je désirerais le monter de nouveau. Ma foi, mon cher Sorel, à vos risques et périls. 20 fois, Norbert vit Julien sur le point de tomber. En rentrant, le jeune comte dit à sa sœur « Je vous présente un hardi casse-cou oh !»« Mon père, j'ai cru 20 fois... » À dîner, parlant à son père, il rendit justice à la hardiesse de Julien. Malgré tant de bonté, notre héros se sentit bientôt parfaitement isolé au milieu de cette famille. Tous les usages lui semblaient singuliers et il manquait à tous. Ses bévues faisaient la joie des valets de chambre. L'abbé Pirard était parti pour sa cure. Si tout semblait étrange à Julien, dans le noble salon de l'hôtel de La Mole, ce jeune homme pâle et vêtu de noir semblait à son tour fort singulier aux personnes qui daignaient le remarquer. Madame de la Mole proposa à son mari de l'envoyer en mission les jours où l'on avait à dîner certains personnages. J'ai envie de pousser l'expérience jusqu'au bout. L'abbé Pirard prétend que nous avons tort de briser l'amour-propre des gens que nous admettons près de nous. On ne s'appuie que sur ce qui résiste, etc., etc. Celui-ci n'est inconvenant que par sa figure inconnue. C'est du reste un sourd-muet. Il y avait trop de fierté et trop d'ennui au fond du caractère des maîtres de la maison. Ils étaient trop accoutumés à outrager pour se désennuyer, pour qu'ils puissent espérer de vrais amis. Si les 5 ou 6 complaisants qui témoignaient une amitié si paternelle à Julien eussent déserté l'hôtel de la Mole, la marquise eût été exposée à de grands moments de solitude. Et aux yeux des femmes de ce rang, la solitude est affreuse. C'est l'emblème de la disgrâce. Le marquis était parfait pour sa femme. Il veillait à ce que son salon fût suffisamment garni. Non pas de père, il trouvait ses nouveaux collègues pas assez nobles pour venir chez lui comme amis, pas assez amusants pour y être admis comme subalternes. Ce ne fut que bien plus tard que Julien pénétra ses secrets. Tel est encore, même dans ce siècle ennuyé, l'empire et la nécessité de s'amuser que même les jours de dîner, à peine le marquis avait-il quitté le salon, tout le monde prenait la fuite. Julien n'était pas le seul à s'apercevoir de l'asphyxie morale qui régnait. Les uns se consolaient en prenant force glace, les autres par le plaisir de dire tout le reste de la soirée « Je sors de l'hôtel de la Mole ». Un matin que l'abbé Pirard travaillait avec Julien dans la bibliothèque du marquis à l'éternel procès de Frilair, le jeune homme se confia. « Monsieur, dîner tous les jours avec madame la marquise, est-ce un de mes devoirs ou est-ce une bonté que l'on a pour moi ?»« C'est un honneur insigne !»« C'est pour moi, monsieur, la partie la plus pénible de mon emploi. » Je m'ennuyais moins au séminaire. Je vois bâiller quelquefois jusqu'à mademoiselle de la Mole, qui, pourtant, doit être accoutumée à l'amabilité des amis de la maison. J'ai peur de m'endormir. De grâce, obtenez-moi la permission d'aller dîner à 40 sous dans quelque auberge obscure. L'abbé était fort sensible à l'honneur de dîner avec un grand seigneur. Pendant qu'il s'efforçait de faire comprendre ce sentiment par Julien, un bruit léger leur fit tourner la tête. Julien vit mademoiselle de la Mole qui écoutait. Il rougit. Elle était venue chercher un livre et avait tout entendu. Elle prit quelques considérations pour Julien. « Celui-là n'est pas né à genoux, comme ce vieil abbé. Dieu qu'il est laid !» À dîner, Julien n'osa pas la regarder, mais elle eut la bonté de lui adresser la parole. Ce jour-là, on attendait beaucoup de monde. Elle l'engagea à rester. Mademoiselle de la Mole était le centre d'un petit groupe qui se formait presque tous les soirs derrière l'immense bergère de la marquise. Là se trouvaient le marquis de Croisenois, le comte de Caylus, le vicomte de Luz et 2 ou 3 jeunes officiers amis de Norbert ou de sa sœur. Ce jour-là, ils étaient en hostilité continue avec les gens qui arrivaient dans ce magnifique salon. Julien quitta le voisinage du canapé. Il ne voyait dans les propos de ces jeunes gens que le ton de dénigrement général et en était choqué. Passant inaperçu à cause de son peu d'importance, Julien s'approcha successivement de plusieurs groupes. Il se retourna et rougit de plaisir quand il entendit nommer le comte Chalvet. Julien avait souvent trouvé son nom dans le mémorial de Sainte-Hélène et dans les morceaux d'histoire dictés par Napoléon. Le comte Chalvet était bref dans sa parole. Ses traits étaient des éclairs, justes, vif, quelquefois profond. S'il parlait d'une affaire, sur le champ, on voyait la discussion faire un pas. Il y portait des faits, c'était plaisir de l'entendre. Du reste, en politique, il était cynique et effronté. Vous savez, je suis indépendant, moi. Oui, pourquoi veut-on que je sois aujourd'hui de la même opinion qu'il y a 6 semaines ? En ce cas, mon opinion serait mon tyran. Oui, bien évidemment. 4 jeunes gens graves qui l'entouraient firent la mine. Ces messieurs n'aiment pas le genre plaisant. Julien remarqua quelque chose de singulier dans le salon. C'était un mouvement de tous les yeux vers la porte et un demi-silence subi. C'était le fameux baron de Tolly, sur lequel les élections venaient de fixer tous les regards. Il présidait un collège et il eut l'idée lumineuse d'escamoter les petits carrés de papier portant les votes d'un des partis. Mais, pour qu'il y eût compensation, il les remplaçait par d'autres petits morceaux de papier portant un nom qui lui était agréable. Cette manœuvre décisive fut aperçue par quelques électeurs qui s'empressèrent de lui en faire compliment. Le bonhomme était encore pâle de cette grande affaire. Des esprits mal faits avaient prononcé le mot de galère. Monsieur de La Mole le reçut froidement. Le pauvre baron s'échappa. L'abbé Pirard fit signe de loin à Julien. Monsieur de La Mole venait de lui dire un mot. Julien, venez. L'abbé passa dans un salon voisin. Le marquis n'aime pas les écrivailleurs, je vous en avertis. C'est sa seule antipathie. Sachez le latin, le grec, si vous pouvez, l'histoire des Égyptiens, des Perses. Il vous honorera et protégera comme un savant. Mais n'allez pas écrire une page en français, et surtout sur des matières graves et au-dessus de votre position dans le monde. Il vous prendrait en guignon. Julien avait écrit 8 ou 10 pages assez emphatiques. C'était une sorte d'éloge historique du vieux chirurgien-major qui, disait-il, l'avait fait homme. Il monta chez lui et brûla son manuscrit. Après plusieurs mois d'épreuves, voici où en était Julien, le jour où l'intendant de la maison lui remit le 3e quartier de ses appointements. Monsieur de La Mole l'avait chargé de suivre l'administration de ses terres en Bretagne et en Normandie. Julien y faisait de fréquents voyages. Il était chargé en chef de la correspondance relative au fameux procès avec l'abbé de Frilair. Monsieur Pirard l'avait instruit. Celui-ci l'avait mené dans plusieurs maisons jansénistes. Julien fut étonné. L'idée de la religion était invinciblement liée dans son esprit à celle de l'hypocrisie et de l'espoir de gagner de l'argent. Il admira ces hommes pieux et sévères qui ne songent pas au budget. Il connut chez eux un comte Altamira, libéral condamné à mort dans son pays et dévot. Cet étrange contraste, la dévotion et l'amour de la liberté, le frappa. Julien était en froid avec le jeune comte. Norbert avait trouvé qu'il répondait trop vivement aux plaisanteries de quelques-uns de ses amis. Julien, ayant manqué 1 ou 2 fois aux convenances, s'était prescrit de ne jamais adresser la parole à Mademoiselle Mathilde. On était toujours parfaitement poli à son égard à l'hôtel de La Mole, mais il se sentait déchu. Son bon sens de province expliquait cet effet par le proverbe vulgaire « tout beau, tout nouveau ». Le marquis le trouvait commode à cause de son travail obstiné, de son silence, de son intelligence et peu à peu lui confia la suite de toutes les affaires un peu difficiles à débrouiller. Madame de La Mole, quoique d'un caractère si mesuré, se moquait quelquefois de Julien. L'imprévu, produit par la sensibilité, est l'horreur des grandes dames. C'est l'antipode des convenances. 2 ou 3 fois, le marquis prit son parti. S'il est ridicule dans votre salon, il triomphe dans son bureau. Pour un nouveau débarqué, qui par hauteur ne faisait jamais de questions, Julien ne tomba pas dans de trop grandes sottises. Un jour, poussé dans un café de la rue Saint-Honoré par une averse soudaine, un grand homme en redingote de castorine, étonné de son regard sombre, le regarda à son tour absolument comme jadis à Besançon l'amant de Mademoiselle Amanda. Julien s'était reproché trop souvent d'avoir laissé passer cette première insulte. Il en demanda l'explication. L'homme en redingote lui adressa aussitôt les plus sales injures. L'homme jeta au nez de Julien 5 ou 6 cartes et s'en alla, non sans se retourner pour le menacer du poing. Julien se trouva baigné de sueur. Ainsi, il est au pouvoir du dernier des hommes de m'émouvoir à ce point. Comment tuer cette sensibilité si humiliante ? Dans tout ce grand Paris, où prendre un témoin ? Je suis insociable et m'en voilà cruellement puni. Enfin, il eut l'idée de chercher un ancien lieutenant du 96e, nommé Liéven, pauvre diable avec qui il faisait souvent des armes. Julien fut sincère avec lui. Je veux bien être votre témoin, mais à une condition. Si vous ne blessez pas votre homme, vous vous battrez avec moi. Séance tenante. Convenu. Et ils allèrent chercher M. Charles de Beauvoisis à l'adresse indiquée par ses billets, au fond du faubourg Saint-Germain. On les fit attendre. Enfin, ils furent introduits dans un appartement admirable d'élégance. Ils trouvèrent un grand jeune homme en redingote rose-orange et blanc, mis comme une poupée. Sa physionomie noble et vide annonçait des idées convenables et rares. L'idéal de l'homme aimable, l'horreur de l'imprévu et de la plaisanterie, beaucoup de gravité. Julien fut si frappé de la douceur de ses manières qu'il perdit en un clin d'œil toute idée d'être insolent. Ce n'était pas son homme de la veille. Il présenta une des cartes qu'on lui avait jetées. Oui, c'est mon nom. Mais d'honneur, je ne comprends pas. Je viens pour me battre avec vous, monsieur. Très bien. Prenons place. Je vous écoute. Le colloque fut assez long. L'affaire était délicate. Mais enfin, Julien ne put se refuser à l'évidence. Le jeune homme si bien né qu'il avait devant lui n'offrait aucun point de ressemblance avec le grossier personnage qui, la veille, l'avait insulté. Mes cartes. Lieven, assis depuis une heure, décida que son ami M. Sorel n'était point fait pour chercher une querelle d'allemand à un homme parce qu'on avait volé à cet homme ses billets de visite. Julien sortait de fort mauvaise humeur. La voiture de M. de Beauvoisis l'attendait dans la cour. Par hasard, Julien leva les yeux et reconnut son homme dans le cocher. C'est mon homme. Le tirer par sa grande jaquette, le faire tomber de son siège et l'accabler de coups de cravache ne fut que l'affaire d'un instant. Monsieur de Beauvoisis descendait l'escalier. Lieven comprit que Monsieur de Beauvoisis avait envie de se battre. Mais il voulut, diplomatiquement aussi, conserver à son ami les avantages de l'initiative. Ah, pour le coup, il y a la matière à duel. Je le croirais assez. Je chasse ce coquin de cocher, qu'un autre monte. On ouvrit la portière de la voiture. Monsieur de Beauvoisis voulut absolument en faire les honneurs à Julien et à son témoin. On alla chercher un ami de Monsieur de Beauvoisis qui indiqua une place tranquille. La conversation en allant fut vraiment bien. Une chose étonna infiniment Julien. Un reposoir que l'on construisait au milieu de la rue pour la procession de la fête Dieu arrêta un instant la voiture. Ces messieurs se permirent plusieurs plaisanteries. Le curé, suivant eux, était fils d'un archevêque. Jamais chez le marquis de la Mole, qui voulait être duc, on eût osé prononcer un tel mot. Le duel fut fini en un instant. Julien eut une balle dans le bras, on le lui serra avec des mouchoirs. Monsieur de Beauvoisis pria Julien très poliment de lui permettre de le reconduire chez lui. Quand Julien indiqua l'hôtel de la Mole, il y eut échange de regards entre Monsieur de Beauvoisis et son ami. À peine se fut-on quitté que Monsieur de Beauvoisis courut aux informations. Elles ne furent pas brillantes. Tout cela est affreux. Il est impossible que j'avoue m'être battu avec un simple secrétaire de Monsieur de la Mole. Et encore, parce que mon cocher m'a volé mes cartes de visite. Il est sûr qu'il y aurait dans tout cela possibilité de ridicule. Le soir même, tous deux dirent partout que ce monsieur Sorel, d'ailleurs un jeune homme parfait, était fils naturel d'un ami du marquis de la Mole. Un jour, celui-ci lui dit « Eh bien, vous voilà donc le fils naturel d'un riche gentilhomme de Franche-Comté, mon ami intime. » Monsieur de Beauvoisis n'a pas voulu s'être battu contre le fils d'un charpentier. Je le sais, je le sais. C'est à moi maintenant de donner de la consistance à ce récit qui me convient. Mais j'ai une grâce à vous demander. Tous les jours d'opéra, allez assister dans le vestibule à la sortie du beau monde. Je vous vois encore quelquefois des façons de province. Il faudrait vous en défaire. D'ailleurs, il n'est pas mal de connaître au moins de vue de grands personnages auprès desquels je puis un jour vous donner quelques missions. Passez au bureau de location pour vous faire connaître. On vous donnera les entrées. Le lecteur peut être surpris de ce ton libre et presque amical. Nous avons oublié de dire que, depuis 6 semaines, le marquis était retenu chez lui par une attaque de goutte. Mademoiselle de la Mole et sa mère étaient à hier. Le comte Norbert ne voyait son père que de brefs instants. Ils étaient fort bien l'un pour l'autre, mais n'avaient rien à se dire. Réduit à Julien, il fut étonné de lui trouver des idées. Il se faisait lire les journaux. Puis, irrité contre le temps présent, il se fit lire Tite-Live. La traduction improvisée de Julien sur le texte latin l'amusait. « Permettez, mon cher Sorel, que je vous fasse cadeau d'un habit bleu. Quand il vous conviendra de le prendre et de venir chez moi, vous serez à mes yeux le frère cadet du comte de Ray, c'est-à-dire le fils de mon ami, le vieux duc. Julien ne comprenait pas trop de quoi il s'agissait. Le soir même, il essaya une visite en habit bleu. Le marquis le traita comme un égal. Le lendemain matin, Julien se présenta au marquis en habit noir, avec ses lettres à signer. Il en fut reçu à l'ancienne manière. Le soir, en habit bleu, ce fut un ton tout différent et absolument aussi poli que la veille. « Puisque vous ne vous ennuyez pas trop dans les visites que vous avez la bonté de faire à un pauvre vieillard malade, il faudrait lui parler de tous les petits incidents de votre vie, mais franchement, et sans songer à autre chose qu'à raconter d'une façon amusante. Car il faut s'amuser, il n'y a que cela de réel dans la vie. Si j'avais Rivarol, ici auprès de ma chaise longue, tous les jours il m'ôterait une heure de souffrance et d'ennui. Je l'ai beaucoup vu à Hambourg pendant l'émigration. » Ce fut l'époque d'une franchise parfaite dans les relations entre le maître et le protégé. L'attaque de goutte fut prolongée par les grands froids de l'hiver et dura plusieurs mois. « On s'attache bien à un bel épagneul. Pourquoi ai-je tant de honte de m'attacher à ce petit abbé? Il est original. Je le traite comme un fils, et bien. Où est l'inconvénient? Cette fantaisie, si elle dure, me coûtera un diamant de 500 louis dans mon testament. » Une fois que le marquis eut compris le caractère ferme de son protégé, chaque jour, il le chargeait de quelque nouvelle affaire. Julien remarqua avec effroi qu'il arrivait à ce grand seigneur de lui donner des décisions contradictoires sur le même objet. Ceci pouvait le compromettre gravement. Julien ne travailla plus avec le marquis sans apporter un registre sur lequel il écrivait les décisions et le marquis les paraphait. Ces mesures éclaircirent tellement aux yeux du marquis ses propres affaires qu'il put se donner le plaisir d'entreprendre deux ou trois nouvelles spéculations sans le secours de son prête-nom qui le volait. Prenez 3 000 francs pour vous, mon cher Sorel. Monsieur, ma conduite peut être calomniée. Que vous faut-il donc ? Que vous veuillez l'écrire de votre main sur le registre. Au reste, c'est Monsieur l'abbé Pirard qui a eu l'idée de toute cette comptabilité. Le soir, lorsque Julien paraissait en habit bleu, il n'était jamais question d'affaires. Les bontés du marquis étaient si flatteuses pour l'amour-propre toujours souffrant de notre héros que bientôt, malgré lui, il éprouva une sorte d'attachement pour ce vieillard aimable. Quelque temps après, le marquis put enfin sortir et voulut remercier Julien en l'envoyant passer 2 mois à Londres. « Les courriers vous porteront les lettres reçues par moi avec mes notes. Vous ferez les réponses. J'ai calculé que le retard ne sera que de 5 jours. » C'était Le Rouge et le Noir, chronique de 1830, de Stendhal, feuilleton en 15 épisodes, adaptation Hélène Bleskin. 9e épisode, avec Simon Duprez, le narrateur, Damien Zanoli, Julien Sorel, Loïc Pichon, l'abbé Pirard, Marc-Henri Boisse, le marquis de la Mole, Delphine Equet, Mathilde de la Mole, Laurent Cléry, Norbert de la Mole, Jean-Gabriel Nordman, l'académicien, Éric Aymon, le comte Chalvet, Jean-Gilles Barbier, le lieutenant Liévent, Benoît Souille, Charles de Beauvoisis, Anthony Audoux, l'ami de Charles de Beauvoisis, Xavier Bazin, le laquais. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Emmanuel Armingue. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidoroff.